Mardi 11 novembre, vous écoutez l'aérospatiale Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30 pour discuter art visuel. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Andréane Michon qui nous parlera de son installation Solstice d'hiver à la bande vidéo. Également, Fanny Hénon-Lévy est allée faire un petit tour à Méduse, à Materia, et nous fera un retour sur ce qu'elle y a vu. On reçoit aussi Diane Landry qui nous présente son exposition L'Échappée à la galerie Michel Guimont. Raymond Poirier nous fera sa revue de presse comme à l'habitude et le tout sera ponctué des suggestions audio de Simon Roy. Bonjour. Bonjour. Simon, cette semaine, on écoute quelque chose, tu me dis, tu vas avoir l'impression que c'est brisé, mais ça va, ça, c'est normal. Le portugais, le Plataforma Records. Donc, c'est ça, un album en douceur, en nuance. Je ne sais pas si on va bien capter ça par la radio. Donc, c'est ça, un peu de piano glitché, musique ambiante, un album d'une grande beauté. Oui, excuse-moi, est-ce que tu avais terminé? Oui. Ok, j'ai eu une petite confusion. Excuse-moi, Simon. Eh bien, merci beaucoup, Simon, pour cette suggestion. Ça fait plaisir. Puis, ben, on va écouter ce que tu nous proposes aujourd'hui. On peut trouver les liens pour le téléchargement gratuit sur le site l'aérospatiale.wordpress.com si ça pique votre curiosité, si vous avez envie d'entendre un peu plus la douceur. De ton côté, on te retrouve dimanche à 19h à Web Music. C'est bien ça. Voilà, donc on s'en va en pause audio. On écoute Préludio sur les ondes de CKRL. C'était un court extrait de la pièce Préludio de Evolution is a Noise de Ranton, une suggestion de Simon Roy. J'accueille à l'instant Raymond Poirier pour sa revue de presse. Bonsoir Raymond. Bonsoir Julie. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je pense que tu me dis, on va parler de prix et encore de prix. Essentiellement, en fait, beaucoup de finalistes à tout le moins. Les remises, ça viendra dans les prochaines semaines, notamment les finalistes de la 22e édition des prix Videra en art visuel qui ont été dévoilés au début de la semaine, annoncés par la Manif d'art. Alors, on parle notamment du prix Videré Relève en art visuel accordé à un ou une artiste de la scène émergente qui cumule moins de 7 années de pratique. Dans ce cas-ci, les nominés sont le collectif Acapulco pour son installation Faits divers qui était présentée par Ex-Muro à l'Agora de la place Jacques-Cartier. Geneviève Gasse pour son exposition Bureau de recherche qui était présentée à la Galerie des arts visuels. Et enfin, Josiane Roberge pour La prière à la petite galerie de l'œil de poisson. Trois propositions qui étaient quand même fort intéressantes d'ailleurs. Pour le prix création en art visuel, donc cette année de pratique ou plus, là c'est Marc-Antoine Côté pour son œuvre Il, elle n'a pas de nom qui était présentée à la Grande Galerie de l'œil de poisson. Jean-Robert Drouillard pour Le cœur au point comme un faucon aveugle présenté à la Galerie Lacerte Art Contemporain. Et enfin, Paryse Martin pour son exposition Histoire lacrymogène du côté de l'œil de poisson également. On aura les... voyons. Oui, les gagnants. Le 24 novembre. 24 novembre. Donc, à l'émission du 25. Exactement. Et sinon, d'ailleurs, dans ces prix-là, et de manière plus large, en fait, dans les prix des arts et de la culture de la Ville de Québec, il y a aussi l'organisme Exmuro Art Public qui se retrouve deux fois nominé, notamment dans le prix de la Ville de Québec 2014, qui vise à souligner le dynamisme, la qualité, l'originalité du travail d'un organisme culturel professionnel. Et bien là, Exmuro est en nomination aux côtés du Printemps des Poètes et de Kinomada. Et également, le directeur artistique d'Exmuro, Vincent Roy, est en nomination pour la catégorie développement culturel. Wow, belle nouvelle! On saute du côté provincial. Tiens, le Gala des arts visuels 2014 a dévoilé également ses finalistes dans une multitude de catégories. Ça, c'est la nouvelle mouture. Alors, essentiellement, ben, on y va peut-être en rafale. Commissariat, commissaire émergent, on parle de peinture extrême, cadrer le tout chez 3 points, de faire comme si à la Maison des arts de Laval et de la conscience du réseau à SBC Galerie d'art contemporain. Meilleur commissariat hors relève, donc plus établi. Donc, on parle d'un discours qui ne serait pas du semblant à la galerie Léonard et Bina Hélène, de l'exposition Stage Set Stage sur l'identité et l'institutionnalisme à SBC, et les voisins donc à Montréal d'Éric Mattson. Ensuite, meilleur essai, ben là on parle d'essai réalisé par Francine Dagenais, Nathalie Deblois et Bernard Schutz. La meilleure publication imprimée, on parle de la Galerie de l'UQAM qui est en nomination pour une de ses publications. D'Azibao également qui a une nomination de ce côté-là. Et enfin, le Centre d'art et diffusion Clark. Sinon, prix art public, tiens, là on va du côté notamment de Montréal avec Courte Pointe de Philippe Allard et Justin Duchesneau à la fonderie Darling. Flux pour Muriel et Claude de Sylvain Brouillette à la gare Saint-Léonard à Montréal et Le Passe-temps de Cooksasville au massif de Charlevoix. Oui, on n'a presque pas parlé de hors Montréal à date. Hein? Pour l'instant, non, effectivement. Meilleure manifestation publique, Faire des mondes, donc la rencontre photographique de Kamouraska, la foire d'art contemporain d'œuvres sur papier, papier 14 à Montréal et Utopie rurale 1, Clairière, art et nature qui sont en nomination. Pour ce qui est de meilleures expositions, musées, galeries universitaires ou fondations, eh bien, il y a le Musée d'art contemporain de Montréal avec Adrienne Pachi. Il y a la Galerie de l'UQAM avec le projet Peinture, un instantané de la peinture au Canada. Et enfin, le Musée national des beaux-arts du Québec avec les Matins infidèles, l'art du protocole. Pour ce qui est de la meilleure exposition en musée, galerie, universitaire ou fondation, mais art québécois, donc spécifiquement sur l'art d'ici, là, on a la Galerie Léonard et Bina Hélène avec l'oscillation du visible. On a le Musée régional de Rimouski avec Mathieu Beauséjour. Et enfin, le Musée du Bas-Saint-Laurent avec Raymond April, la maison où j'ai grandi. Pour ce qui est de meilleures expositions, autres lieux de diffusion à but non lucratif, là, il y a le Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe avec une exposition sur Jean-Pierre Gauthier, une exposition de Michael Flomen à la Maison des arts et de la culture de Côte-des-Neiges et Faire comme si à la Maison des arts de Laval. Meilleur événement ou exposition en centre autogéré à Montréal, eh ben il y a le Centre Clark avec Caroline Cloutier, Dardar avec Écriture publique et Dazibao avec Home Sweet Home. Pour ce qui est de Québec et région, là, c'est Diane Morin, Grand Calculateur 2 à l'œil de poisson, Faire avec à Anne-Marie et Séjour temporaire altération provisoire chez Vaste et Vague. Et enfin, il y a les prix en galerie privée, donc solo et groupe. Solo, c'est Nicolas Bayer, Alexandre David et Jean-François Lauda qui sont en nomination des Galeries de Montréal. Et pour ce qui est de groupe, on a des expositions du côté d'Armure, 3 points et Galerie Roger Bellemare. Enfin, il y a des prix décernés par la Ville de Montréal, des artistes établis ou en émergents. Donc, pour le prix Pierre Ayot, c'est Julie Favreau, Maryse Goudreau et Vicky Sabourin qui sont nominés. Et pour le prix Louis Comtois, c'est Patrick Bernatchez, Nelson Henricks et Emmanuel Léonard. Voilà, ben il y a lieu quand ce gala? Ça, c'est début décembre. Voyons, je retrouve ma date. Alors, le 10 décembre prochain. Alors, on en reparlera 11. Ben oui, hein? Ah, c'est toujours des lundis. Oui, voilà. Je pense que oui. En fait, si je me trompe pas, mais mon calendrier est loin dans ma tête. Sinon, en terminant, deux petits clins d'œil, notamment les prix du Québec ont remis le prix Paul-Émile Bordua 2014. Alors, ça a été remis à Dominique Blain. On l'a décrit dans la description officielle comme une artiste politique au cœur de son œuvre. œuvre se trouvent des effets de référence récurrentes à la guerre, l'inégalité au rapport de pouvoir, la censure et le colonialisme. Par ses créations, on nous dit principalement des installations, on nous dit qu'elle pose un regard sur les dérives et les excès humains sur le devenir du monde. Si on veut d'ailleurs l'argumentaire complet, on le relit via l'aérospatiale.wordpress.com. Et enfin, dernier petit clin d'œil, simplement pour dire que l'artiste canadien John Raffman est l'un des 20 artistes qui ont été choisis pour la shortlist, si on permet l'anglicisme, du prix Future Generation Art Prize, un prix qui va être, dont le récipiendaire va être annoncé le 6 décembre prochain à Kiev, en Ukraine. Et on parle d'un prix d'à peu près 100 000 $ là, pour la production d'un nouveau travail. Alors, ben, la meilleure des chances à M. Raffman, évidemment. Voilà, Raymond Poirier, merci beaucoup d'avoir colligé tout ça. Ça me fait plaisir. Une suite de noms, de lieux, de prix, de récompenses. J'espère que ça n'a pas été trop plate. Ça va, tu piques notre curiosité, puis là, ben, on a hâte de savoir. Ça, c'est dans l'appel de dossier qu'on suit de très près, voire évidemment. Assidûment. Évidemment. Voilà. Ben, merci Raymond. Vendredi à la vie en BD. Ben, plusieurs sujets qu'on explore, notamment une campagne Kickstarter pour traduire des albums de BD en anglais. Voilà, vendredi 17h30 sur les ondes de CKRL, on fait une pause audio, on écoute Blackfield, de retour, on discute avec Diane Landry. Voilà, on vient d'entendre un extrait de l'album Evolution is a Noise de Renton, une suggestion de Simon Roy. Je vous rappelle, vous pouvez visiter le site l'aérospatiale.wordpress.com. L'émission est disponible en balado-diffusion. Également, les liens pour la revue de presse de Raymond Poirier, pour la sélection de Simon Roy, et puis les communiqués de presse en art visuel. Bref, un beau site bien complet. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook. Je l'ai annoncé en début d'émission, je l'ai même annoncé avant la pause audio. J'accueille à l'instant Diane Landry. Bonjour. Bonjour, bonjour. Diane, tu présentes L'Échappée à la galerie Michel Guimond. Oui. À part à la manif, je pense que c'était la dernière expo solo, hein, si je me trompe pas. J'ai participé au mois multi. J'ai présenté la performance. Ben oui, c'est vrai, Brise-glace. Brise-glace qui était après. Mais donc, des œuvres qui restent en galerie, disons, c'était la dernière solo. Ouais. Okay, je me rattrape ainsi. c'est L'Échappée. Oui. Pourquoi L'Échappée? Pourquoi L'Échappée? Bon, ben moi, j'aime bien donner des titres qui posent des questions plutôt que des titres qui donnent des réponses. Donc, c'en est un que j'espère pose des questions. mais fait quand même référence à un mécanisme d'horlogerie. OK. C'est ça, tu parles d'horlogerie, là, c'est un peu, c'est comme difficile de passer à côté dans mm-hmm. l'exposition avec Chevalier Solo. Voilà, il y en a deux, donc des Chevaliers Solo au mur qui reprennent un peu la roue de vélo avec les bouteilles d'eau qu'on avait vu à Chevalier de la Résignation Infinie, mais bon, différemment. Oui. Le rapport, puis aussi au centre de ce que, on m'a dit que tu appelais ça des téclepsydres. Le titre, celui-ci, je le nomme le Nième continent. Et puis, il y a 4 photographies également. Donc, l'horloge, le rapport au temps qui est présent depuis pas mal de temps. Oui. Autant le temps qui passe que le temps qu'il fait. Je pense que c'est vraiment une obsession peut-être dans mon travail. Des aspects. Mais qu'est-ce qui te fascine ou qui t'attire vers l'idée du temps? On connaît mon travail pour travailler avec des objets très quotidiens, presque sans intérêt, presque invisibles, tellement on les connaît. Donc, j'essaie de les ramener pour qu'on les voit différemment. Mais aussi, comme tout à l'heure je le disais, par la performance brise-glace, donc l'aspect de mon travail de performance est très important, autant que l'aspect installation. Donc, quand on fait de la performance, on utilise le temps comme matériel d'une certaine manière, parce qu'il y a un début, une fin. Que ce soit 30 secondes ou 2 ans, il y a toujours... On conçoit l'œuvre dans le temps. Dans la durée, mais oui. Dans la durée. Donc, je pense que cet aspect-là, très rapidement, j'ai voulu aussi l'inscrire dans mon travail, disons, plus d'installation sculpture. Donc, le temps, mais comment on le fait, comment on joue avec ça. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de jouer de différentes manières, que ce soit avec le mouvement, la lumière, etc. Parlant de mouvement, le Nième continent, donc les 5, je sais pas comment les nommer, les 5 Nième continents, cette espèce de mouvement perpétuel qu'on voit. Mm. Il y a ça aussi dans ça s'inscrit justement dans cette idée du temps. Je pense que l'objet en soi réfère peut-être justement à l'horloge quelque part, ou même à un globe, ou même un gyroscope, tout ça. Je pense qu'on le voit sans... On peut y penser sans nécessairement qu'on ait à le dire. Et j'ai voulu vraiment travailler avec l'idée de balancier, d'équilibre. Donc, si chacun des 5 sculptures sont en mouvement par un petit mécanisme extrêmement simple, mais si on enlève le poids, dont chaque poids est différent, si on enlève le poids, ça ne fonctionne pas. Si je le tiens dans mes mains, pouf, tout s'arrête, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, le poids est absolument nécessaire. Et je voulais, par l'équilibre, déséquilibre ou l'imperfection de mon mécanisme, je ne sais pas comment tout nommer ça, je voulais comme créer, parce que c'est pas un mouvement complètement régulier. Il y a toujours un moment où le poids, justement, agit, puis il y a un balancement qui se fait qui est jamais 2 fois pareil. Ouais, puis vous parlez de poids, mais j'ai envie de parler aussi des objets qui sont au centre, qui semblent tenir sur un fil de pêche, vraiment transparent. C'est des bouteilles, Il y a une bouteille bleue, une autre transparente, une cruche. Ça, j'ai trouvé ça, je dois dire, j'ai vraiment trouvé ça magnifique, cette espèce d'objet en suspension. Ah oui, ben là, ça, c'est le rêve du sculpteur. se passer de support. C'est ça, l'œuvre qui flotte, la sculpture qui flotte, suspendue. Je pense que ça l'agit plus parce qu'en plus, elle ne bouge pas et tout autour bouge. C'est comme un noyau, un cœur qui est là au centre, qui lui est pratiquement immobile, qui frémit un petit peu, mais très légèrement. Donc, de manière que si on le regarde de loin, on a l'impression vraiment qu'il flotte. Mais je pense que c'est aussi le contraste statique, mouvement, qui accentue en plus cet effet-là. Mais effectivement, tu dis le noyau, le cœur. Moi, j'ai pensé à la Terre, en fait, en regardant ça, puis cette espèce de de cœur qui est essentiel finalement à toute la chose et qui permet ce mouvement. Cet objet-là, donc, flotte, entre guillemets, au centre. Il y a une roue de vélo à l'horizontale, une roue de vélo, une jante, en fait, des jantes de vélo. Une comme à la verticale. Donc, on revient encore à cette roue-là. Oui, bon, moi, je travaille, je sais pas comment dire, parce qu'après un projet, je peux pas faire, on efface tout, puis on recommence. C'est toujours comme une suite, il reste des matériaux sur ma table, des excédents. Donc, on se retourne de bord, on cherche quelque chose. Donc, j'avais cette jante, une jante qui était là, je l'ai pris, j'ai dit, mais ça me... Puis là, c'était pas du tout ça que je m'en allais, je laissais. Puis là, je fais, je vois quelque chose. Donc, c'est évident que tout ce qui est autour de moi dans mon atelier va m'influencer autant que ce que je vis, ce qu'on vit actuellement. Donc, toutes ces choses-là s'additionnent et a fait le Nième Continent. Mais moi, c'est sûr qu'on peut pas s'empêcher de faire le lien avec Chevalier, la résignation infinie. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est de voir cette réflexion-là qui se poursuit. Au-delà de, j'ai encore des roues de vélo, parce que dans mon atelier, on sent que la réflexion n'est pas terminée, est conséquente, puis elle avance. Oui, parce que, en fait, même quand je travaillais sur le projet, je le développais, je voulais pas encore travailler avec des bouteilles d'eau, mais c'était comme, non, j'ai pas fini, c'est encore ça, c'est ça qu'il faut qu'il soit dans le noyau, le cœur de cet objet-là. Et puis, je sais pas si un jour je vais arrêter, mais bon, pour le moment, on dirait que j'ai pas encore tout craché, si on peut dire, sur cet objet. Puis, pourquoi la bouteille d'eau? Qu'est-ce qui fait justement que tu dis « j'ai pas encore fini avec la bouteille d'eau »? Je pense que dans plusieurs de mes œuvres, pas toutes, mais plusieurs de mes œuvres, je parle de l'eau, que ce soit avec des laveuses à linge, des parapluies, des essoreuses à salade. Donc, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup des cafetières, des patins. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'objets qui parlent de l'eau à notre quotidien et même tous les contrepoids que j'utilise pour le Nième Continent réfèrent à l'eau d'une certaine manière. Ah ben oui, manière. Le savon, la brosse. Ah, c'est ça. Donc, il y a toujours, mais pas toujours, mais très souvent, et bon, c'est quelque chose que, bon, peut-être qui me préoccupe, on devrait s'en préoccuper, mais bon, ça, c'est pas à moi de décider, mais c'est quelque chose que j'apporte beaucoup dans mon travail. À la galerie, on m'a dit que tu te questionnais, en fait, par rapport au Chevalier solo. Tu disais, tu sais, j'aimerais ça pouvoir mettre de l'eau. Oui. Dans les bouteilles. Oui, et dans Chevalier de la résignation infinie, c'était du sable. Oui, oui. Là, on a l'impression que c'est de l'eau. Oui. Mais c'est de l'huile, donc le conflit est résolu d'une certaine manière. Bon, quand j'ai fini le Chevalier de la résignation infinie, donc un projet quand même assez important dans mon parcours, d'ailleurs qui fait partie de l'exposition au Canada qui est en tournée en ce moment, je voulais toujours justement voir je savais que ça changerait complètement le sens même, à la limite, par rapport au sable, ou justement des bouteilles d'eau vides avec du sable, donc extrêmement sèche, déshydratée, donc la sécheresse complète. Je voulais revenir, mais donc il y en a très peu de l'huile, là. C'est vraiment pas la bouteille pleine. Non. Et je voulais voir ce que ça donnait, et puis bon, l'occasion se présente parce qu'il y en a un de ces chevaliers solo-là que d'ailleurs j'étais en train d'emballer tout à l'heure, qui part pour les États-Unis pour une commande d'œuvre, mais donc je voulais l'essayer, puis l'occasion s'est présentée, je l'essaye, et puis je vois ce que ça donne. Il est certain que le voir le jour, c'est une chose. Le voir quand c'est seulement cet éclairage-là, c'est deux choses. Ah ouais, c'est hein, autre ça... chose. Et ça me plaît que le temps d'une journée fasse varier la lecture de l'œuvre. Parce que comme le Chevalier de la résignation infinie, habituellement, il est présenté dans un espace... une boîte noire. Ouais, donc, ouais, c'est ça. Le temps des jours ne lui touche pas. Tandis que celui-ci, il va vivre avec le jour et la nuit et il va être différent. Et ça, c'est nouveau pour moi, ben, en tout cas pour ce projet-là. Pour moi, c'est quand même majeur comme intervention. En plus, c'est bien sûr, il est installé au mur, il est tout seul et il est silencieux. Parce que celui avec le sable, ça, c'était pas silencieux. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais. Mais aussi, il y a plusieurs éléments dans ce que tu viens de dire qui me titillent un peu. Accroché au mur, justement, ça change complètement la dimension parce que là, on n'a plus l'impression d'une sorte de moulin à vent dans le milieu de l'espace. Je lance des observations en vrac, le fait que ce soit plus du sable, mais le rapport au temps est différent. Il n'y a plus 24 bouteilles non plus. Donc, j'imagine que ça, c'est une mutation, justement. Oui, c'est ça. Donc, on essaie des choses, mais bon, souvent, je le dis, quand je viens de terminer un projet, j'ai un peu de difficulté à savoir pourquoi je l'ai fait. C'est sûr, il y avait la nécessité de le faire, mais maintenant, où est-ce qu'il va m'amener après? C'est sûr que je pourrais dire, par exemple, pour le Nième Continent, il y a l'aspect de balance, d'équilibre qui est très près, évidemment, de ce que je vivais quand j'ai fait le brise-glace, la performance avec le canot, où c'est vraiment très gros balancier. C'est moi qui crée cette balance-là. Donc, c'est sûr que j'ai voulu ramener cet aspect-là d'une manière assez léger, très sobre. J'imagine que c'est la raison pour laquelle, justement, il y a des photos de brise-glace. Je pense qu'il y en a une. Il y en a deux. Puis il y a deux aussi, deux photos d'épuisement là, qu'on avait vues la manif. Oui, bon, pour moi, c'est pas nouveau parce que lors de la première exposition, j'ai participé chez Michel Guimond, qui est un collectif qu'on nommait trois avec Paris Martin, José Sirois Landry. Donc, je présentais des photographies qui venaient d'un projet vidéo performance qui en fait étaient des photos que j'avais ramenées en vidéo, que je ramène en photo. Que c'était une résidence à New York, hein, c'est je pense ça, bien. Donc en tout cas, donc c'est tout ça. Et il est certain que Épuisement, qui est une œuvre immense, et puis qui en plus s'est développée, on peut pas la présenter partout. Donc j'ai fait des photos, comme toujours, de mon travail, puis j'ai pensé qu'elle pouvait vivre de manière autonome. Mm-hmm. Donc on laissait, on voit ce que... Plutôt que de documenter, donc d'en faire des œuvres aussi. Là, oui, de ces c'est photos-là. Ça. Donc, c'est un peu... surtout, j'aime bien voir aussi la réponse des gens, puisque certains ont vu l'œuvre, mais comme c'est comme une autre version, parce qu'il y a une voile qui n'était pas lorsque je l'ai présentée à Québec, mais que j'ai présentée à Cincinnati l'an dernier. Ouais. Une autre version, parce que l'espace était totalement différent. Donc, c'est un peu issu de toutes ces rencontres. Et de toutes ces transformations. Ah, c'est ça. Le temps de travail également. C'est ça, on perd. Voilà. Diane Landry, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc, l'exposition L'Échappée est présentée à la Galerie Michel Guimond. C'est jusqu'au 20 novembre. Puis, si vous avez le temps d'y aller deux fois, allez-y en début d'après-midi. Puis, en fin d'après-midi, le soleil se couche tôt en ce moment. Donc, ça peut valoir la peine pour voir l'effet du temps, justement, sur les œuvres. Merci beaucoup. On s'en va en pause. Au retour, on discute avec Fanny et non Lévy. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez Antitube, Le Dominion de Seth et Un chemin avec Edmond Baudouin, Birdman, Gemma Bovary, Geronimo, Henri, l'Opéra national de Paris présente Le Barbier de Séville, RIDM à Québec, Stop Making Sense, Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Aussi à ne pas manquer au Musée de la Civilisation, Geronimo et Gemma Bovary. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Burlesque-Tacular présente Bête de scène. Pour une quatrième année, la troupe burlesque de Québec présente un spectacle à grand déploiement à l'Impérial de Québec. Le cirque, les Folies Bergères et Broadway se réunissent dans une soirée inusitée où plus de 30 artistes de Québec seront sur scène. Bête de scène. Un soir seulement, le samedi 15 novembre, à l'Impérial de Québec. Billets en vente via la billetterie de l'Impérial de Québec. C'est sur le thème « Les entreprises d'économie sociale, une richesse collective à découvrir » que se tiendra du 10 au 20 novembre, Semaine de l'économie sociale. Près de 40 activités diversifiées pour découvrir et s'informer. tels que le développement des coopératives d'habitation, un atelier pour démystifier la création en danse, un dîner-conférence avec M. Gérald Larose, le 5 à cercle dans la région de Charlevoix, le café-atelier Cultiver le savoir en entreprise et plus encore. Visitez c'estbienplus.ca pour découvrir toutes les activités offertes. Dans le cadre du Movember, la Ninkasi du Faubourg est fière de vous inviter à l'événement « Les moustachus envahissent la Ninkasi ». Organisé par MR Événements, le 27 novembre dès 18h, les moustachus de tout genre envahiront la place le temps d'une dégustation de bière et saveurs. Pour l'occasion, 5 des meilleurs bouchers choisis par le public seront accordés avec les bières et boissons disponibles sur les pompes de la Ninkasi. La Ninkasi et MR Événements seront fiers de verser les profits de la soirée à la cause Movember. Et mesdames, vous êtes également les bienvenus. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Demain dès 17h30, écoutez l'émission en direct du Sacrilège, présentée au Sacrilège. C'est évident. C'est KRL 89.1, Québec. Il est 18h, on est de retour à l'aérospatiale pour entamer cette deuxième et dernière demi-heure que j'entame avec Fanny Hénon-Lévy. Bonsoir. Je vais me promener la semaine. Tu rentres là, tu as une atmosphère minimaliste. On est dans les noirs, les blancs, les gris, tonalité de gris. On a deux artistes qui sont quand même assez puissantes, mais qui travaillent leur fragilité, qui travaillent la douceur des formes, quand même très différentes. Pour Vera, c'est des vases sculpturaux avec des lignes douces, des lignes très sensuelles. C'est assez énigmatique quand même, c'est des sortes de cocons, une éloge à la matière, à la lumière, qui sont fermés sur eux-mêmes, qui sont finalement impénétrables. Et par contre, France, elle nous donne à voir aussi une esthétique très très minimaliste, très mais beaucoup plus énigmatique et très organique. Là, on est dans le vif de la matière, on est dans une mixité aussi des matières avec la céramique mixée avec des tissus japonais. C'est très propre, j'ai envie de dire. Ouais. Hein, la présentation est impeccable. Les techniques sont parfaitement maîtrisées. France Gonneau travaille, fait tout à la main, tisse tout à la main. Elle coud sur ses tissus. Je l'ai dit, elle travaille avec des tissus japonais parce qu'elle a fait des résidences au Japon, puis elle expose aussi au Japon. Donc, elle s'est imprégnée de cette culture-là, puis de ces matériaux-là aussi. Et évidemment, le rapport, elle s'intéresse au design de l'environnement, aux arts visuels. On est en plein dans les arts visuels, même si on parle de matériaux et qu'on est dans les métiers d'art. Mais là, on a une exposition extrêmement plastique et en même temps avec un savoir-faire qui est extraordinaire. C'est ahurissant, d'où l'idée justement des métiers d'art puis de la technique. Tu sais. Non, mais c'était un vrai plaisir. D'ailleurs, elle le dit dans sa démarche, France Gonneau. Elle est essentiellement axée sur l'ornemental, ouais. Le rapport à la fonction de parure, de décoration, et en même temps, elle tisse ses tripes là-dedans dans ce travail-là. On voit vraiment, il y a énormément d'interprétations qui sont possibles. Ça vient de chercher quelque chose de viscéral. Ah, c'est très viscéral. C'est vraiment un travail qui vient de chercher aux tripes, que tu ne comprends pas, et en même temps que tu ressens, que tu es amené à ressentir. Ouais. Et par exemple, bon, il y a la série qui est très forte de City 1 et 2, qui est une répétition d'objets mixant l'argile et le tissu. Il y a un rythme, il y a une tension. Il y a là, évidemment, elle parle de, on parle de, d'une ville. C'est la ville réinventée. En même temps, on est nulle part. Ça vient chercher un imaginaire collectif. Et en même temps, c'est très heurté. C'est assez violent et plein de douceur. C'est vraiment un mélange de sensations, et à la fois il y a une violence, il y a une force, et à la fois toute une fragilité assumée qui est en tout cas, je vous invite grandement à aller voir cette exposition. C'est un, pour moi, c'est un incontournable de cet automne. Ça se termine le 16. Ça se termine le 16. On a 5 jours en fait de semaine. C'est ça. That's exactement. Et alors, on parlait d'engrammes, c'est terminé une ça s'appelait Multiple Parallèle. Alors, on avait une artiste, c'est deux artistes qui sont de Glasgow, dans le cadre d'un programme d'échange entre Engrammes et... Oui, qui dure quand même là, depuis quelques années. Chaque année, au moins, on reçoit des... Mais c'est quand même intéressant parce que ça nous amène un regard nouveau sur l'estampe. Ouais. Ça marche super bien parce que Rachel, elle est dans une esthétique beaucoup plus conceptuelle, presque futuriste. On est vraiment dans quelque chose de minimaliste, mais en même temps aussi dans la sensation. Ouais. Donc, on a là 4 femmes, 2 expositions, 4 artistes qui jouent avec leur force, leur puissance, elles ont des choses à dire et en même temps elles viennent chercher une sensibilité, elles viennent amener toute cette douceur et cette fragilité là au cœur de leur travail. Donc voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire encore. Je sais pas si on toi tu as eu l'occasion. Ouais, j'ai malheureusement pas eu l'occasion. Voilà, 2 émissions annulées, ça a chamboulé mon horaire de visite d'exposition. Mais par contre, j'ai vu un peu là par la fenêtre en Engrammes. J'ai certainement l'intention d'aller à la matériau d'ici la fin, surtout avec la passion avec laquelle tu nous en parles, Fanny. C'est un peu dur de pas y aller. Non, allez, vas-y. Voilà, donc c'est, France Gonneau, Vera Vicente. Donc une exposition à matériau, c'est jusqu'au 16 novembre. Fanny Hénon-Lévy, merci beaucoup. Mais je t'en prie, à bientôt. On s'en va en pause audio. On écoute un extrait de la pièce. J'avoue ne pas savoir comment le prononcer. Je dirais Gnu ou Gnu. Gnu, ça me fait bien rire. Voilà, de Renton sur les ondes de CKRL. Voilà, c'était un extrait de la pièce Nu, Gnu, Gnou, Gnou. Je suis pas trop certaine. Vous choisissez la prononciation de votre choix. C'est tiré de l'album Evolution is a Noise, a Ranton, une suggestion de Simon Roy. On était à la galerie Michel Guimond. On va faire un tour au complexe Méduse, dans le haut complètement de la côte, pour l'exposition Solstice d'hiver d'Andréane Michon. Bonjour. Bonjour. Andréane, est-ce que c'est possible de nous présenter de manière générale ton expo à la bande vidéo? Oui, alors l'expo, en fait, c'est une projection à trois volets pour représenter l'œuvre Solstice d'hiver. C'est-à-dire que, bon, les trois projections, c'est des images qui traversent la journée qui s'est déroulée le 21 décembre 2012, alors que le lac que je voyais devant moi fondait à une vitesse quand même assez phénoménale. Et donc, on découvre ces temps de la journée-là qui se côtoient. C'est ce qui est représenté par Solstice d'hiver. Et il y a aussi la pièce Neige, qui est un diptyque vidéo. Et donc, c'est une étude de la neige de jour, de nuit, en mouvement ou plutôt alerte. J'ai envie de parler justement de Solstice d'hiver. Donc, est-ce que ce sont des images qui ont été prises sur toute la journée ou c'est sur différents moments? Non, c'est toute la journée. En fait, j'ai eu la chance de commencer à filmer assez tôt dans la journée pour finalement me rendre compte de ce qui se passait. Donc, c'était pas l'évidence au départ, là. C'est juste qu'à un moment donné, ça a commencé à bouger et ensuite à craquer. Donc là, évidemment, je me suis mis à être plus assidue sur la capture, mais tout ça se passait devant moi là, un peu par chance. Puis, dans le fond, t'es allé filmer à ce lac-là le jour du solstice. J'imagine que c'était pas anodin non plus, là. Qu'est-ce que, au départ, tu dis, ça s'est mis à bouger devant toi. Qu'est-ce que tu voulais faire au départ qui s'est transformé? Au départ, j'étais fascinée par la lumière. C'est un lac que j'ai observé depuis longtemps. C'est lequel, donc? Hein? C'est le lac Brome. Okay. Et donc, j'étais là par chance. J'étais pas partie pour filmer le lac nécessairement, mais comme beaucoup d'œuvres dans mon travail, je me suis retrouvée à juste être fascinée et à continuer la capture et ensuite réaliser ce qui se passait. Mais, tu sais, visuellement, j'imagine aussi que ça devait être très attirant. Au départ, tu disais la lumière, le reflet sur la glace également. Il y a un côté formel qui est vraiment puissant là, dans ce qu'on voit. Oui, tout à fait. Puis, d'ailleurs, dans ma façon de filmer, même très tôt dans la journée, c'était en dessous du niveau de l'horizon. Et donc, pour moi, juste la façon de voir le lac, c'était un peu comme un non-lieu. De pas nécessairement le situer comme un air habité, mais plus comme le lac lui-même, tel quel. Puis, tu dis, au début de la journée, donc on voyait pas l'horizon, t'as élevé éventuellement en cours de route? Non, en okay. fait, j'ai gardé ça tout le long comme ça parce que, aussi, le lac comme tel, plus ça craquait, plus ça devenait... comme des formes géométriques qui s'entrechoquaient. Et donc, pour moi, formellement, c'est ce qui est devenu, c'est ce qui était très intéressant là, au cours de la journée. C'est quand même hypnotisant, puis je trouve que c'est quelque chose que j'ai remarqué dans ce style d'hiver, mais que j'ai remarqué dans Neige aussi, quand on voit la neige la nuit avec les flocons, le mouvement, il y a quelque chose d'un peu de très, très contemplatif, en fait, mais qui hypnotise aussi un peu. Oui, tout à fait. En fait, pour moi, passer une journée à regarder un lac, par exemple, c'est pas anodin, dans le sens où on s'arrête rarement pour regarder ne serait-ce que la nature aussi longtemps de façon si assidue. On y passe du temps, mais l'observer, c'est pas nécessairement une habitude courante. Mm-hmm. Dans nos vies un peu rapides là, de nos jours, bon, c'est un grand cliché, mais reste que pour moi, cette journée-là reste unique par le fait d'avoir passé tout ce temps-là au même endroit à regarder le lac comme tel. Justement, tu parles bon, du lac, solstice d'hiver, on voit la neige aussi. Là, tu habites en ce moment à San Francisco. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur ou qui... comment dire? Pourquoi parler justement comme du lac l'hiver, de parler de la neige? Ben, pour moi, la neige, ça fait partie du cycle de l'endroit où j'ai grandi. J'ai habité au Québec plusieurs décennies. Mm-hmm. et donc, pour moi, ce cycle-là, c'est quelque chose qui s'efface pas. Et quand je retourne au Québec, quand il y a de la neige ou même les saisons, quand je suis allée monter l'exposition, c'était l'automne, pour moi, ce cycle-là marque ma vie. C'est ancré vraiment dans ton identité, là, finalement. Oui, oui, tout à fait. Même que, bon, le fait que j'ai pas vu l'automne comme tel depuis 3 ans, c'était la première fois quand je suis allée monter l'exposition à la bande vidéo. Pour moi, ça a été un moment exceptionnel. Là, c'est comme quand quelque chose nous manque et puis là qu'on le retrouve, ben là, c'est la grande réunion. Quoi. Ça remplit. Voilà. Solstice, tu as décidé de le présenter en 3 parties qu'on voit pas nécessairement simultanément. Donc, on peut voir soit un écran, un autre, des fois les 3, mais peu de temps. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir séparer les projections? En fait, pour moi, c'était l'interaction des images ensemble, de différents temps de la journée, de différentes couleurs. Je voulais m'éloigner aussi le plus possible du time-lapse. Oui, la linéarité aussi. Oui, exactement. Et par le fait que la glace fond, pour moi, métaphoriquement, d'avoir des images qui s'effacent, c'est-à-dire qui disparaissent et qui réapparaissent avec un certain rythme, ça recréait aussi le mouvement qui est créé par le lac lui-même. Et donc, j'essayais de garder, on parlait d'un aspect méditatif, cet aspect méditatif-là, mais aussi le rythme que j'ai constaté pendant cette journée-là. Que tu traduisais formellement. Un autre aspect qui m'a beaucoup marqué, c'est que, bon, il y a des caches-oreilles qui bloquent les sons. Oui. Qui sont disponibles. Je sais jamais comment appeler ça. C'est pas vraiment des écouteurs parce qu'on n'écoute pas de musique ou quoi que ce soit. Ça bloque les sons intérieurs. Là, tu nous places par rapport à nous-mêmes aussi vis-à-vis oui. ce qu'on voit. Oui, tout à fait. En fait, la bande sonore, c'est ce qui devient. C'est comme des écouteurs un peu de construction là, qui bloquent le son. Et le phénomène qui apparaît à ce moment-là, c'est qu'on commence à entendre des sons internes et donc la respiration, le cœur qui bat. Et pour moi, ben la trame du lac de la transformation, du changement, c'est aussi la trame qu'on y met nous-mêmes mm-hmm. en le regardant. Et donc ça devient partie intégrante de l'œuvre. Puis c'est intéressant aussi parce que justement on est à la bande vidéo. Habituellement dans les vidéos, il y a du son. Et là, c'est notre propre son, mais c'est aussi le silence. Oui, qui est mis de l'avant. Je me plais à dire que le silence n'existe pas. Ouais. C'est assez difficile de le recréer. Par contre, effectivement, l'idée de départ était une trame silencieuse, mais à force de travailler puis d'expérimenter sur l'œuvre, avec l'œuvre, j'ai découvert ce phénomène-là là, avec ce type d'écouteur-là qui m'a immédiatement plu parce qu'il y a un aspect participatif en plus de la personne qui est dans le lieu de l'œuvre. Une dimension qui échappe finalement au contrôle que tu peux avoir sur l'œuvre. Je sais pas, je vois ça comme t'es allé au lac, puis là, oups, ça a fondu, c'était une part d'imprévisible, puis ben, le spectateur en ajoute une aussi finalement. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ah, bon, mais coudonc. Ben, en fait, tout est imprévisible aussi dans le sens où est-ce que on entend notre respiration, le cœur qui bat, mais tu sais, je veux dire, ça dépend de l'expérience de la personne qui est là. Puis de l'attention. Exactement. Puis bon, de ce que chacun émet même comme réflexion à travers ça, parce que bon, des fois Bon, c'est ça, tout le monde en a notre façon de regarder une œuvre, mais pour moi, cet aspect méditatif-là dont on a parlé un peu plus tôt, le fait de se retrouver, d'un peu de se bloquer de l'extérieur, ben effectivement, tout ça, ça devient un rapprochement un peu même du sublime, là, de la projection de l'être vers l'extérieur. Tu parles de sublime, là, c'est un incontournable, parce que quand je regardais ton site internet, tu disais que l'individu agit autant comme paysage émotionnel que le paysage comme portrait d'auto-réflexion et de perception. Il y a quand même, sans être dans les émotions très intenses ou dramatiques, il y a quand même un lien à faire avec le romantisme. Complètement. Ben en fait, moi je suis issue de littérature, ne serait-ce que par intérêt personnel, mais j'ai aussi un bac en littérature comparée et cinéma. Et donc c'est le romantisme, ça a été un mouvement qui m'a beaucoup intéressée. Et donc finalement, je peux pas y échapper, que ce soit bon, bien sûr dans la littérature, mais même dans la peinture. Ouais, puis qu'est-ce qui vient te toucher justement plus spécifiquement dans le romantisme, ou qu'est-ce qui se traduit, qu'est-ce qui en reste? Ben pour moi c'est une époque où on n'avait pas peur d'affirmer soit dans des idées philosophiques, artistiques, le rapprochement avec l'être, avec les émotions. Donc je considère que bon étant une personne même émotive, j'essaie de traduire aussi dans mon travail une imagerie qui peut se rapprocher de certaines émotions que je veux pas nécessairement dicter, mais j'espère que les gens qui regardent mes œuvres ont quelque chose là qui émerge. Et donc pour moi c'est ça, c'est de susciter un rapprochement émotionnel face à l'expérience de la nature, mais aussi face à l'expérience de l'art. Mais qui s'effectue dans la lenteur aussi, d'une certaine manière. J'ai envie de revenir aux écouteurs, à cette image contemplative, le fait qu'on met des écouteurs qui nous empêchent d'entendre ou qui transforment les sons extérieurs, ancre l'expérience de l'œuvre dans une forme de lenteur aussi, donc on prend le temps. Oui, exactement, effectivement. Puis même, il y a une durée de... comme l'œuvre Solstice d'hiver est une loupe de 7 minutes 45, et donc ça se répète, mais en même temps, on peut ne pas savoir le début, où est le début, où est la fin. Et par exemple, dans le diptyque neige, c'est un infini. Il n'y a pas de... bien sûr, là, moi, je sais elle est où la coupe, mais c'est pas important dans l'œuvre. C'est une œuvre qui est en loupe continuelle, et donc on... c'est pas un film d'action, on s'entend, et donc l'aspect méditatif est hyper présent dans le comment l'œuvre se dévoile elle-même. Voilà, ben Andréane Michon, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçu, Julie. Ben ça me fait grand plaisir. L'exposition Solstice d'hiver est présentée à la bande vidéo jusqu'au 30 novembre. On fait une autre pause audio, la dernière, on écoute Ismos sur les ondes de CKRL. Thank you. Eh bien, l'aérospatiale tire déjà à sa fin. Avant de passer au calendrier, je remercie Jacques Gignac pour son travail à la mise en onde, mes invités et collaborateurs également. En terminant, je vous invite à deux événements. Demain à 19h au Musée national des beaux-arts du Québec, une conférence hors sciences et philosophie avec Jocelyn Robert. C'est à 19h. C'est suivi d'un cocktail. Il y a pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site mnba.qc.ca, donc pour les prix et tout ça. Également, pour le coût d'entrée, pardon, également vendredi à 17h, vernissage et performance de l'exposition En cas de doute de Myriam Laplante, c'est présenté au lieu. Donc, voilà, je vous invite une dernière fois, l'aérospatiale.wordpress.com pour l'émission en balado-diffusion, les liens pour la revue de presse, le téléchargement des pièces de Simon Roy, les communiqués de presse. Vous pouvez nous écrire des commentaires. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vous laisse avec Gilles Chauvel et son Folk d'Amérique.